Document 2, page 48. Tu viens déjeuner à la cantine, Elisabeth ? Il est midi et demi. Je termine ce dossier et j'arrive. Et Cécile ? Bah non, tu sais bien qu'elle s'entraîne pour le marathon de New York. Alors elle est partie courir. Elle court tous les jours ? Tous les midis, tous les soirs et tous les week-ends, bien sûr. Elle a décidé de gagner, donc elle doit s'entraîner. Et Pascal, il court avec elle ? Au début, oui. Mais maintenant, il en a marre. C'est pour ça que ça ne va plus très bien entre eux. Et qu'est-ce qu'elle en pense ? Pour elle, la course, c'est comme une drogue. Elle est tellement habituée à courir qu'elle n'est pas bien quand elle arrête. Moi, c'est le contraire. Ça me déprime de courir. J'aime mieux peindre, coudre, jardiner et faire tout ça chez moi. Et toi, Monique, tu fais quoi ? Des activités manuelles aussi, mais j'aime mieux les faire en groupe, c'est plus stimulant. Le problème, c'est que je fais tellement de choses que je ne suis jamais à la maison. Et ton mari n'est pas content ? C'est vrai, mais lui, il passe tout son temps devant la télé. C'est pourquoi tu préfères sortir. Tu as bien raison.